The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Ready. Prêt. To die. Mourir. To prepare. Préparer. Snail. L'escargot. Recipe. La recette. Delicious. Délicieux. To cook. Cuisiner. Again. Encore. Starters. L'entrée. Now, a bit faster. To cook. Cuisiner. Again. Encore. To prepare. Préparer. Ready. Prêt. Again. Encore. Delicious. Délicieux. Starters. L'entrée. Recipe. La recette. Again. Encore. Recipe. La recette. Again. Encore. To prepare. Préparer. Snail. L'escargot. Starters. L'entrée. Snail. L'escargot. Ready. Prêt. Starters. L'entrée. Recipe. La recette. Now, use the words in context. Prêt. Dinner is ready. Le dîner est prêt. Mourir. I'm dying of thirst. Je meurs de soif. Préparer. I made some fries. J'ai préparé des frites. La recette. That's his favorite recipe. C'est sa recette préférée. Encore. You want some more snails. Tu veux encore des escargots? Mourir. I'm dying of thirst. Je meurs de soif.